Question. Qui suis-je? Qui suis-je? Si vous connaissez la réponse, vous appuyez. Vous ne dites rien, vous appuyez. Arrête, petit. Tu vas dire des conneries. Je veux juste une note. Juste une note. Je suis né dans le Minnesota. Ici le capitaine James Baker, commandant du USS Enterprise. Pourriez-vous vous identifier? Je suis un écrivain français, mort 1959. Cool, cool. Une chanson. Une chanson. Nous cherchons une chanson. J'enregistre mon premier disque à l'âge de 16 ans. Quel déconneur, ce Julien Lepers. Question. Qui suis-je? Julien Lepers. Julien Lepers. Bonjour. Synonyme courant de hutte. Question, qui suis-je? J'ai débuté après la Seconde Guerre mondiale. Cool, cool. C'est vrai que ça fait plaisir la stéréo.